des jours où tu ne m'aimes pas, je voudrais m'envoler vers l'océan par la fenêtre. Les collines ondulent, se perdent à l'horizon. Il y a des jours où tu ne m'aimes pas, moi je veux briller chaque instant avec la même folie, la même intensité. Tout balayer. Comme on fait parfois, comme c'est plus simple. C'est plus simple de regarder en l'air. Combien tu veux encore de moi? Des jours sans manque, des jours sans envie, des jours qui ressemblent à des nuits sans sommeil, plein d'insomnie. Il y a des jours où tu m'aimes pas, des jours où je sais plus pourquoi t'es là. Jamais tu ne t'aimes, ne plus pousser, jamais. Comme on fait parfois, comme c'est plus simple. C'est plus simple de regarder en l'air. Combien tu veux encore de moi? Il y a des jours où tu ne m'aimes pas, où je veux m'envoler vers l'océan, vers les